suivi la machine. Bouton boule boule, pas de chance. Elle prévient la matonne. Je passe à tout devant, mais pourquoi ça marronne? Mes potos qui périssent, j'aime pas la matonne. Libérable location, perruque t'es la zone. Bouge ton boule, ma petite. Bouge ton boule, ma petite. Bouge ton boule, ma petite. Bouge ton boule, ma petite. Bouge ton boule, ma petite. On oublie tout. Y'a mes potes, on parlume. On me quitte tout. J'ai connu la galère. RS3 fait sa poêle, on oublie tout. Bouge ton boule ma petite, on oublie tout. Y'a mes potes au palud, on me dit tout. J'ai connu la galère, donc tu vis tout. RS3 fait sa poêle, on oublie tout. Dans ta gueule, t'en fallait pas déconner. Toi t'es une victime, on l'occupe plus de rayonner. T'as trahi la Honda, on te connaît. Je m'en montre plus que j'ai pas bougé, je suis au quartier. À travers ton petit boule, j'ai vu flou. Mes potos sont cramés, ils sont fous. Laisse-les parler, ils sont fous. Bouge ton petit boule, je deviens fou. Bouge ton boule, ma petite Gambino, la fusée. Je suis dans ma planète, du côté de ta fusée. Aïe, à ma hache, puisse vous la fusée. Marseille, c'est ma zone, c'est magique, tu le sais. Bouge ton boule, ma petite. Bouge ton boule, ma petite. Bouge ton boule, ma petite. Bouge ton boule, ma petite. Bouge ton boule, ma petite. On oublie tout. Y'a mes potes.